vraiment cool. C'est vraiment cool quoi. Je sais pas si j'aurais fait ça, je sais pas si c'est trop bien. Mais qu'est-ce que c'est la même chose en fait, t'as gagné une fois. Putain, je voulais le louper gros, je lui ai fait un... Une passe. Zéro. Une passe, frère. Une passe D. Tiens ça. Quoi? Ah, comme ça. Oh putain, regarde. Ah, là, là. Et regarde ce que je t'ai fait. Oh, ce service, ça fait... Ah, vous, il était beau. Ok. Tu pas? Ah non, elle sortait. Bonjour. Non, elle sortait pas. Wow. Non. Bonjour. S'il vous plaît. Moi. Je fais une prise de son là, ça vous dérange pas? Pas du tout. C'est bon, pas. Ça va être un truc. Ouais. D'avoir vu dehors.